Chapitre 23e. Coup d'œil rétrospectif. Nous avons dit au commencement de cette histoire que le docteur Thorne serait notre héros, mais on pourrait croire que nous l'avons oublié, car nous n'avons plus parlé de lui depuis le soir où il se retira sans faire part à Mary du chagrin qui l'oppressait. On était alors au milieu de l'été, et nous voici arrivés au commencement du printemps. Dans l'intervalle, le temps s'était écoulé bien tristement pour le docteur. Ce soir-là, il avait pressé sa nièce sur son cœur sans avoir le courage de lui avouer ce qu'il était pourtant si nécessaire qu'elle sût. Il avait remis au lendemain cette tâche pénible et s'était ainsi privé d'une nuit de sommeil. Mais le lendemain, il avait compris qu'il ne lui était plus possible de reculer, et tout en se promenant avec Mary dans leur petit jardin avant le déjeuner, il l'informa de ce que Lady Arabella lui avait dit à son sujet. Il resta stupéfait de l'air calme avec lequel elle l'écouta. Elle pâlit à la vérité, et il sentit sa petite main trembler dans la sienne. Sa voix s'altéra un instant, mais aucune plainte ne lui échappa. Elle ne chercha pas même à se disculper de l'accusation qu'impliquaient les paroles de Lady Arabella. Quoique le docteur sût parfaitement que Mary n'avait aucun reproche à se faire, il s'attendait à l'entendre protester de son innocence, mais elle se contenta de lui dire « Lady Arabella a raison, mon oncle. Si elle a de semblables craintes, elle ne peut pas être trop prudente. »« C'est une égoïste et une orgueilleuse, » dit le docteur. « Peu lui importe de faire de la peine aux autres du moment qu'elle y trouve son avantage. »« Elle ne peut me faire aucun mal, ni à vous, mon oncle. Je puis vivre sans aller à Grahamsbury. Mais devons-nous permettre qu'elle ose vous accuser de la sorte ?»« Moi, mon oncle, elle ne m'accuse nullement. » Frank a été très inconsidéré. Je ne vous en ai rien dit, parce que je trouvais qu'il ne valait pas la peine de vous ennuyer de cela. Mais si Lady Arabella s'en mêle, je n'ai pas le droit de la blâmer. Frank m'a dit, en effet, des choses qu'il n'aurait pas dû me dire. Il agit d'une manière irréfléchie, mais je ne pouvais pas l'en empêcher. Qu'elle le renvoie alors, et qu'elle ne s'en prenne pas à vous. Mon cher oncle, c'est son fils, à elle. Une mère ne peut pas bannir son enfant. « Me banniriez-vous de votre maison, mon oncle ?» Le docteur ne lui répondit qu'en la pressant sur son cœur. Il était convaincu qu'elle était indignement traitée, et cependant, il ne savait comment le prouver du moment qu'elle paraissait décidée à prendre le parti de Lady Arabella. « D'ailleurs, reprit-elle, Grahamsbury appartient en quelque sorte à Frank. On ne peut donc pas le bannir de la maison paternelle. Non, mon oncle, mes visites au manoir en resteront là. » Ils verront que je n'ai aucune intention de leur imposer ma société. » Et Mary rentra tranquillement pour faire le thé. Que se passait-il au fond de son cœur pendant qu'elle déclarait si gravement à son oncle que Frank avait été inconsidéré? Elle était du même âge que lui, et pour le moins aussi susceptible de subir les impressions de cet âge, bien que, comme la plupart des femmes, elle sût mieux maîtriser ses sentiments. Son cœur était aussi aimant, son désir de passer sa vie avec un être aimé était aussi vif que le sien. Frank avait agi inconsidérément en lui déclarant sa passion. Elle n'était certes pas coupable de la même faute, mais en était-elle moins sensible pour cela? Avait-elle pu écouter sans émotion l'aveu de cet amour? Un semblable aveu nous paraît assez banal quand nous le lisons et même quand nous l'écrivons. Mais il en est bien autrement pour la jeune fille qui l'entend pour la première fois au milieu des douces émanations d'une belle soirée du mois de juillet. Si l'aveu de Frank avait été écouté avec plaisir, Mary ne se l'était pas même avoué. Et pourquoi en eût-il été autrement? Pourquoi Mary aurait-elle été moins sensible que Frank? Dieu ne l'avait-il pas douée de toutes les qualités qui peuvent et qui doivent même inspirer l'amour à une jeune fille? Aimer sincèrement, de tout son cœur, de toute son âme, n'est-ce pas là, quoi qu'on en dise, un mérite chez une femme? Mais Mary n'éprouvait pas cet amour pour Frank. Une certaine crainte instinctive l'avertissait aussi que Frank devait épouser une femme riche. Il n'avait pas tardé à se convaincre que, quelque disposée qu'elle fût à l'aimer, il était de son devoir de réprimer ce sentiment. Elle avait donc pris la ferme résolution de le vaincre, et parfois elle se flattait d'y avoir réussi. Ce fut une triste époque dans la vie du docteur et dans celle de Mary. Celle-ci avait déclaré qu'elle pouvait se passer d'aller au manoir, mais elle trouva que cette résolution n'était pas si facile à exécuter. On ne brise pas sans peine avec ses vieilles habitudes. Si elle avait quitté tout à fait Grahamsbury, cette privation lui eût été moins sensible, mais elle passait journellement devant la grille du parc, elle voyait constamment les domestiques de la famille qui tous la connaissaient aussi bien que leur jeune maîtresse. Chacun savait qu'elle avait cessé tout à coup d'aller à Grahamsbury, et elle n'ignorait pas que tout le monde dans le village disait que Miss Thorne n'y allait plus à cause de Lady Arabella et du jeune squire. Béatrice venait bien la voir, mais que pouvait-elle lui dire? La vérité n'est pas toujours facile à dire, même à une intime amie. « Mais vous viendrez à présent qu'il est parti, n'est-ce pas ?» lui dit Béatrice. « Non, certes, » répondit Mary. « Cela serait aussi pénible pour Lady Arabella que pour moi. Non, ma chère Béatrice, mes visites à Grahamsbury sont finies. Finies. Il est bien possible que dans une vingtaine d'années, je me promène de nouveau sur la pelouse avec votre frère et que nous parlions de notre jeunesse. » C'est-à-dire si Mrs. Graham d'alors m'invite au manoir. Je ne comprends pas que Frank ait pu être aussi réfléchi, aussi cruel, dit Béatrice. Cette conversation était très pénible pour Mary, dont l'opinion à l'égard de Frank différait essentiellement de celle de Béatrice. La cruauté du jeune homme était excusée à ses yeux par plusieurs circonstances que Béatrice ne pouvait comprendre. Mary était prête à se joindre à Lady Arabella et au reste de sa famille pour mettre fin, s'il était possible, à la passion de Frank. Elle ne voulait donner à personne le droit de l'accuser d'avoir contribué à la ruine du jeune héritier, mais elle ne pouvait se décider à admettre ses torts, et encore moins à convenir de sa cruauté. Le squire vint aussi voir Mary. Sa visite lui fut encore plus pénible que celle de Béatrice, et cependant, s'il n'était pas venu, elle l'aurait accusé de dureté, car elle avait toujours été sa favorite, et elle n'avait jamais eu qu'à se louer de ses bontés. « Je suis désolé de tout cela, Mary, désolé, » dit-il en lui prenant les deux mains. « Que voulez-vous, monsieur? On ne peut rien y faire, » répondit-elle en souriant. « Mais, il se pourrait, on devrait pouvoir y faire quelque chose, car je suis convaincu que vous n'êtes pas à blâmer. »« Non, » répondit-elle très simplement, comme si sa position eût été toute naturelle. « Je crois n'avoir aucun reproche à me faire, mais il y a dans la vie des circonstances malheureuses où personne n'est à blâmer. » « Je ne comprends pas bien tout cela, » dit le squire. « Mais si Frank... »« Oh, ne parlons pas de lui, » dit Mary en souriant de nouveau. « Vous comprenez, Mary, que mon fils m'est bien cher. Cependant, si... »« Je ne voudrais pas pour tout au monde être la cause du moindre malentendu entre vous et lui. Mais je ne puis supporter l'idée de vous voir banni de Grahamsbury. Tout cela s'arrangera avec le temps, mais pour le moment, il n'y a rien à faire. Vous êtes si isolé ici. » « Je m'y accoutumerai. Ici, vous le savez, monsieur Gresham, je suis maîtresse absolue, et cela est déjà beaucoup. » Le squire ne comprit pas tout à fait ce que Mary voulait dire, mais un rayon de lumière finit par se faire jour dans son esprit. Lady Arabella avait le droit de la bannir du manoir. Le squire pouvait et devait empêcher son fils de contracter un mariage imprudent. Les Gresham de Grahamsbury étaient libres de protéger leur trésor, comme ils l'entendaient, sur leur propre territoire. Mais il devait se garder de venir l'attaquer, elle, sur le sien. Elle s'était résignée à cette marque publique de leur désapprobation, parce qu'elle avait compris qu'il ne faisait que ce que sa propre conscience lui disait être juste. Elle avait consenti, sans murmurer, à être montrée dans le village comme la jeune personne qu'on avait bannie du manoir, à cause du jeune héritier. Mais il ne devait pas aller au-delà. En dehors des limites de Grahamsbury, Lady Arabella, Frank Gresham et Mary Thorne marchaient d'égal à égal. Chacun combattait pour soi. Le squire embrassa affectueusement Mary et prit congé d'elle, en se disant qu'au lieu de la plaindre et de la consoler, ainsi qu'elle en avait eu l'intention en venant la voir, c'était plutôt lui qu'elle avait plaint et tâché de consoler. Il ne se sentait pas tout à fait à l'aise en la quittant, mais il avait assez de franchise pour s'avouer que Mary Thorne était une noble fille. Si Frank n'avait pas été obligé d'épouser une femme riche, et si en outre la pauvre Mary n'eût pas été ce qu'elle était malheureusement, une fille sans nom aux yeux du monde, quelle excellente femme elle eût été pour son fils. Mary ne s'ouvrit franchement de tout cela qu'à une seule personne, à Patience Auriel, et encore, cette franchise fut-elle plutôt l'épanchement de l'esprit que celui du cœur. Mary ne fit aucune allusion à ses sentiments pour Frank, mais elle parla longuement de la position qu'on lui faisait dans le village et de la nécessité où elle se trouvait de rester chez elle. « Il est bien dur, » dit Patience, « que les torts soient tous de son côté à lui, et que la punition n'atteigne que vous. » « Oh, quant à cela, » dit Mary en riant, « je n'admets ni tort ni punition. » « Mais cela revient au même. » « Non, patience. Il y a toujours un petit aiguillon de honte dans une punition, et j'avoue que je ne me sens nullement honteuse. » « Mais Mary, vous ne pourrez pas toujours éviter de rencontrer les Gresham. » « Les rencontrer ? Mais je ne m'y refuse nullement. Ils ne sont pas dangereux pour moi, cher ami. C'est moi qui suis la bête noire. C'est à eux de m'éviter. » Puis, après un moment de silence, elle ajouta, en rougissant un peu. « Je ne me refuse pas non plus à rencontrer Frank, si le hasard l'amène sur mon chemin. C'est leur affaire et non la mienne. L'important pour moi, c'est de n'être pas vu chez eux. » Les deux jeunes filles se comprirent si bien que Patience se promit de seconder son amie de tout son pouvoir, car en dépit des assurances de Mary, elle se trouvait dans une position qui rendait indispensable pour elle l'assistance d'une amie comme Miss Auriel. Nous avons vu que Frank revint à la maison après une absence de 6 semaines. À l'exception de Béatrice, personne ne lui parla des précautions qui avaient été prises à Greshamsbury. Lorsqu'il vit que Mary ne venait plus au manoir, il se rendit hardiment chez le docteur, mais nous avons aussi vu que, nonobstant le courage dont elle s'était tant vantée, Miss Thorne avait jugé plus prudent de se tenir à l'écart. Étaient ensuite venues les vacances de Noël, et Mary avait encore trouvé que l'absence était le parti le plus sûr. Cette détermination, néanmoins, lui avait été très pénible, car elle eût préféré la société de son oncle à l'hospitalité de la tante de Patience Auriel. Jusqu'alors, les fêtes de Noël s'étaient toujours passées pour elle à Greshamsbury, où le docteur et sa nièce étaient considérés comme des membres de la famille. Cela n'étant désormais plus possible, la maison de la vieille Miss Auriel valait peut-être mieux pour elle que la solitude du salon de son oncle. D'ailleurs, quelle contenance aurait-elle faite à l'église de la paroisse où elle n'aurait pu éviter de se rencontrer avec Frank ? Patience avait compris tout cela et la visite à sa tante avait été arrangée en conséquence. L'histoire de Frank et de Mary cessa enfin, pendant quelque temps, d'alimenter les commentaires du village, dont l'attention fut exclusivement captivée par la rupture du mariage de M. Moffat et d'Augusta. Nous avons vu que Miss Gresham supporta courageusement son infortune et qu'elle sut opposer un maintien digne au regard curieux du public. Mais son supplice ne fut pas de longue durée. Arriva bientôt la nouvelle des exploits de Frank dans Pall Mall et l'on oublia Augusta pour ne parler que de Frank. La première version disait que Frank avait suivi M. Moffat jusque dans son club, qu'il l'avait entraîné de force au milieu de la rue et qu'arrivé là, il l'avait égorgé. Peu à peu, l'histoire se modifia et l'on apprit que M. Moffat respirait encore mais qu'il avait tous les os fracturés. Cette aventure mit Frank en évidence et Mary se retrouva comme avant l'héroïne de Greshamsbury. On ne peut guère être surpris de sa colère, dit Béatrice à Mary tout en discutant très imprudemment cette question avec son amie. « Surpris, non, certes, » dit Mary. « On aurait plutôt lieu de l'être s'il en avait été autrement. »« Je crois cependant qu'il a eu tort de corriger si rudement M. Moffat. »« Moi, je crois au contraire qu'il a eu parfaitement raison. »« Mais il n'aurait pas dû le battre à ce point, Mary. »« Je suppose qu'il n'est pas facile de mesurer ses coups en pareille occasion. »« J'aime votre frère pour ce qu'il a fait. »« Je l'avoue franchement, quoique je ferais peut-être mieux de me mordre la langue. »« Qu'en pensez-vous, Béatrice ?» « Je ne vois aucun mal à cela, » dit Béatrice d'un air grave. « Il n'y aurait même pas de mal si vous vous aimiez tous deux, pourvu que tout se bornât à cela. »« Vraiment, » dit Mary d'un ton railleur, « c'est bien aimable à vous, Béatrice, vous, un des membres de la famille. »« Vous savez bien, Mary, que si je pouvais faire ce qui me plaît... »« Oui, je sais que vous êtes la bonté même. Si on vous laissait faire, je serais de nouveau admise dans le ciel, n'est-ce pas ?» Mais à cette condition que si par hasard un ange se méprenait sur mon origine et me parlait comme si j'appartenais à la même classe d'êtres que lui, je serais tenu de me boucher les oreilles et de lui rappeler en toute humilité que je ne suis qu'une simple mortelle. Vous vous fieriez assez à moi pour cela, n'est-ce pas, Béatrice ? Je me fierai à vous en toute chose, Mary. Je vous trouve bien injuste de me parler ainsi. Quel que soit le ciel où il me sera permis d'entrer, Béatrice, « je n'y entrerai qu'à la condition d'y être admise sur le même pied que les autres. »« Mais, ma chère Marie, pourquoi me dites-vous cela ?»« Parce que je n'ai personne d'autre à qui le dire. »« On pourrait croire que vous me faites des reproches. »« Et comment voulez-vous que je fasse autrement ? »« Comment voulez-vous que je n'aie pas de chagrin ? Vous ne comprenez pas ma position, Béatrice. Je suis obligée de m'y soumettre sans me plaindre. Si vous la compreniez, vous ne seriez pas surprise de me voir si irritable. » Béatrice ne pouvait pas tout comprendre, mais elle vit que Mary avait besoin de sympathie, et au lieu de la gronder, elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa tendrement. Le docteur souffrait encore plus que Mary. Il ne pouvait se plaindre hautement, ni proclamer qu'on avait traité indignement sa nièce. Il ne pouvait même pas s'accorder la satisfaction de se quereller ouvertement avec Lady Arabella. Mais il n'en trouvait pas moins dur de voir Mary condamnée à vivre comme un paria, et cela parce qu'il avait plu à Frank de devenir amoureux d'elle. Il n'en voulait pas à Frank en particulier, car quoique le jeune homme eût agi bien inconsidérément, le docteur trouvait qu'il était excusable. C'était à Lady Arabella qu'il ne pouvait pardonner. Il n'avait jamais abordé ce sujet avec le squire, et il n'en avait pas reparlé avec Lady Arabella depuis le jour où il avait signifié que Mary aurait à discontinuer ses visites à Greshamsbury. Il ne passait plus de soirée au manoir. Il n'y dînait jamais et ne s'y rendait que lorsqu'il y était appelé comme médecin. Il y voyait souvent le squire, mais c'était soit dans le village, soit à cheval, soit dans sa propre maison. Lorsqu'il apprit que Sir Roger était revenu à Boxall Hill après sa défaite parlementaire, il résolut de l'aller voir. Mais sa visite fut remise de jour en jour, et il ne se rendit à Boxall Hill qu'après y avoir été appelé en toute hâte par un message de Lady Scatcherd, qui lui apprenait que Sir Roger venait d'avoir une attaque de paralysie et qu'il n'y avait pas un instant à perdre. « C'est toujours le soir que cela arrive, » dit Mary, qui se sentait plus de sympathie pour l'oncle qu'elle connaissait que pour l'oncle mourant qu'elle n'avait jamais vu. « Qu'est-ce que cela fait ? Là, donnez-moi mon écharpe. Je ne reviendrai probablement pas ce soir. Peut-être même ne sera-ce que tard demain dans la journée. Dieu vous garde, Mary. » Et le docteur monta à cheval et se mit en route par un froid piquant. Qui sera son héritier ? Tout en cheminant, le docteur ne pouvait se défendre de s'adresser cette question. L'homme qui se mourait était assez riche pour avoir plusieurs héritiers. Ah, si son cœur s'était laissé toucher pour l'enfant de sa sœur ! Si, à quelques jours de là, Mary allait se retrouver en possession d'une fortune telle que les Gresham eux-mêmes seraient enchantés de la recevoir de nouveau à Greshamsbury. Le docteur n'aimait pas l'argent. Il fit même tout ce qu'il put pour chasser ses pensées, et si elle le poursuivait malgré lui, c'était moins parce qu'il désirait la richesse pour Mary que la possibilité de se venger de ceux dont elle avait eu tant à souffrir.